Ah, monsieur Dumanche, approchez, que je suis ravi de vous voir et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler à personne, mais cet ordre n'est pas pour vous et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Parbleu coquin, je vous apprendrai à laisser monsieur Dumanche dans une antichambre et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment vous dire que je n'y suis pas, monsieur Dumanche, le meilleur de mes amis. Monsieur, je suis votre serviteur. Allons vite un siège pour monsieur Dumanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Non, non, je veux que vous soyez assis contre moi. Cela n'est point nécessaire. Ôtez ce pliant et apportez un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez. Non, non, je sais ce que je vous dois et je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux. Oh, monsieur. Allons, asseyez-vous. Je n'ai pas besoin, monsieur. Mettez-vous là, vous dis-je. Mais non, monsieur, je suis bien. Je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez. Parbleu, monsieur Dimanche, vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Vous avez un port de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil, des yeux vifs. Je voudrais comment bien... Comment se porte madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, monsieur, Dieu merci. Ah, c'est une brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Et la petite Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille, que sais-je, je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Et je le petit Colin? Fait-il toujours bien du bruit, avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Et le petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort et meurt-il toujours bien aux jambes, les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous ne serions en cheville. Ne vous étonnez point si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Monsieur donc là, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'honorez trop. Il n'y a rien que je ne le fisse pour votre service. Ça fait trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Mais oh, monsieur... ça, monsieur Dimanche, sans face, voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Alors, vite, un flambeau pour monsieur Dimanche et que 400 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Mais il n'est pas besoin, monsieur, et je m'en irai bien tout seul. Comment? Je veux qu'on vous escorte. Je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur. Et de plus, votre... débiteur. Ah, monsieur. C'est une chose que je ne cache pas. Et je le dis à tout le monde. Si vous voulez-vous que je vous recommande. Monsieur, vous vous moquez. Embrassez-moi monsieur... donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous. Et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai. Il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose. Que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton. Et vous verriez de quelle manière. Je le crois. Mais Zanarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Non! Ne vous mettez pas en paix. Il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Scannarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Oui, ne parlons pas de cela. Papa. Ne sais-je pas bien que je vous dois? Oui, alors, mais... monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent? Moquez-vous. Je veux! Et... J'attends! Bagatelle! Mais... Fille! Je fille, vous dis!